14 MHz, c'est l'asile le plus sûr, émission également réécoutable le dimanche à partir de 23h pour sa réédition, rediffusion et également sur son blog asile35.blogspot.fr. Par exemple, les deux émissions qui ont été postées la semaine dernière, l'émission que je vous ai diffusée qui était une spéciale NetWoolly, j'étais en congé, je ne suis point venu faire une émission d'actu la semaine précédente. Et il y a aussi une émission autour du trompettiste Peter Evans, donc une émission, deux émissions jumelles sur le blog asile35.blogspot.fr, également écoutable sur le Mixcloud de l'asile / Redman. On attaque par du rock psyché en provenance de Russie, avec beaucoup de claviers de sitar électrique pour la touche d'épices indiennes et de psychédélisme heavy et spacey qui ravira nos camarades de Stone Circus. Il s'agit d'un jeune combo en provenance d'une petite ville de l'Oural, Yekaterinbourg, et ça s'appelle Polska Radio One. Ils viennent de faire paraître leur premier disque sous le nom de Cosmos Inside. C'est un disque produit par le label Try et distribué bien évidemment par Musea Records. On écoute le titre qui démarre ce Polska Radio One, Cosmos Inside, le titre The Final Mantra. blocked in my throat. I swallow the devil with my ear. Mama's looking up at me, waiting for a danger hiss. Thank you. On a démarré le programme de sucrerie de l'asile de cette semaine avec une chevauchée dans les plaines de l'Oural en compagnie de Polska Radio One et leur disque très psyché Cosmos Inside qui pourrait ravir les gens de Stone Circus d'ailleurs. Ça vient de sortir au mois de janvier et c'était enchaîné avec le groupe De La Cave ou De La Cave et leur disque Run Straight to Them and Grunt, sorti sur Poet, Schallplatten et Animal Biscuit associé, un tout nouveau projet de Monsieur Seb Normal. Monsieur Seb Normal de The Feeling of Love, 1400 points de suture, Le Chômage et autres projets de la grande Triple Alliance internationale de l'Est et sa camarade Lily Pourri à la basse et à la voix angoissante. Il s'agit d'un deuxième disque après un CD qui était sorti, CDR plutôt artisanal, il y a de ça quelques mois, donc dans un registre dark poste tout ce que vous voudrez, une ambiance fort malsaine et des climats délétères, idéal pour un printemps pollué. Et ce disque vinylique est disponible pour ne rien gâcher au temple du disque du 32 rue Poulain du Parc. On continue avec le retour du quatuor lyonnais formé par les ex-Bad Stars Zero, 3 ans après leur précédent album qui s'intitulait Hungry Dogs in the Backyard. Ils récidivent comme toujours sur étiquette Ici d'ailleurs avec un maxi 45 tours sous le nom de Places Where We Go in Dreams, histoire de se rappeler à notre bon souvenir. Ils se sont assez coutumés d'ailleurs des maxi intermédiaires, on se souvient du fameux Bobby Fischer, en tout cas comme toujours avec le groupe Zero, la fameuse formule mélange rock motorique et riffs abrasifs et atmosphère post-rock. Et on écoute le titre qui démarre cette galette, le morceau Uprising par les Zéro. We'll be right back. À l'instant, le tiercé dans l'ordre, à savoir Eric Aldea, Franck Lorino, Yvan Chiosson et François Couilleron pour le comeback 2-0, ou plutôt le demi-comeback 2-0 et ce maxi qui vient de voir le jour sur, ici d'ailleurs, Places Where We Go in Dreams. Alors j'ai pas vu de trace d'un nouvel album en préparation qui sortirait un peu plus tard dans l'année, mais peut-être que je n'ai pas les bonnes informations. En tout cas, un assez chouette maxi par les ex-Bastards Zero, qui était enchaîné avec un titre assez incroyable d'une formation qu'il est tout au moins. Il s'agit des Skadedyr avec un K et un Y, et l'album Conjeu Crabeux. C'est sorti sur le label d'Oslo Ubro. Il s'agit donc bien évidemment d'une formation norvégienne, formation qui fonctionne plutôt comme une communauté, on pourrait dire, puisqu'ils sont pas moins d'une quinzaine d'instrumentistes, section de cuivre, de clavier, guitare, de batterie, cordes, accordéon et voix, pour enregistrer donc ce CD sorti à la fin de l'année dernière chez Ubro, les Skadedyr. Au départ, ce sont deux musiciennes, Eyoa Karin Joannedottir Mobek au tuba et à la basse, et mademoiselle Anja Lodvall au clavier, qui jouait dans un groupe désormais défunt qui s'intitulait Your Headlines Are On, qui ont impulsé donc la dynamique de ce groupe à laquelle se sont agrégés tout un tas de potes à elle pour un disque assez improbable mais assez prometteur, donc une sorte de musique nouvelle. Ce disque Conjeu Crabeux, qui était enchaîné avec la troisième sélection et un extrait du nouvel album du Chicago Underground Duo et leur disque Locus, sorti par le label de Brooklyn Northern Spy. Donc le retour du duo entre le cornettiste, trompettiste, bidouilleur électronique hyperactif Rob Mazurek et son acolyte Chad Taylor aux multipercussions, pour un septième disque en date depuis le moment où ils se côtoient, à savoir les années 90, le milieu des années 90, et un certain nombre de frasques qu'ils ont enregistrées ensemble, notamment chez Thrill Jockey ou encore Delmark, en duo, trio, grand orchestre. Et comme toujours avec ces deux-là, une genre de jazz free hyper vitaminé et cubiste, où ce télescope, une sorte de post-funk des années 70, mélangé à de l'avant-garde électronique et parfois aussi des musiques traditionnelles. Donc un disque plutôt recommandable, cet album Locus du Chicago Underground Duo. On va enchaîner avec là encore tout autre chose, et il s'agit du projet solo de l'écossais Ben Chatwin sous le nom de Tal Vi Horos, et l'album Eaten Alive, sorti en janvier chez Denovali Records. Ben Chatwin qui produit des compositions ambiantes assez spatiales et avec des textures assez hypnotiques, où ce télescope guitare, son analogique électronique et parfois aussi field recordings. Donc c'est un alias avec lequel il a sorti pas moins d'une vingtaine d'albums LP ou EP, dont quelques-uns chez Hibernate et un certain nombre aussi chez Denovali Records, donc le label germanique spécialisé en musique néoclassique et ambiante électronique, qui produit toujours de très beaux objets soignés au niveau de leur présentation, notamment les inserts et les livrets. Et on écoute donc un extrait de ce Eaten Alive avec le morceau Objectum par Tal Vi Horos. old people. This is modern witchcraft. This is modern witchcraft. This is modern This is modern witchcraft. This is modern witchcraft. modern witchcraft. Une nouvelle séquence de nouveautés singulières dans le cabinet de l'asile qui démarrait avec un titre du projet de Ben Chatwin, l'Écossais, et son alias Talvi Horos avec deux R et un H, et cet album Eaten Alive, sorti conjointement par Fluid Radio, label américain, et Denovali en version CD et vinyle. Une musique plutôt ambiante, d'excellente facture, très très beau disque, mélange guitare électronique dans une ambiance très très bucolico ambiante. Titre d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la compilation du magazine anglais The Wire du mois d'avril, avec le Wire Taper number 34, s'il vous plaît, qui accompagne la parution du magazine londonien avec le sur laquelle enfin numéro pour lequel ZX fait la couverture, avec donc un très très beau dossier autour des vétérans du punk anard hollandais. Il y a aussi un petit reportage sur Marissa Nadler, également sur les pionniers des musiques synthétiques en Angleterre, ou des proto-musiques synthétiques anglaises du début des années 70, et beaucoup d'autres choses encore. Donc bientôt dans les kiosques, le magazine anglais The Wire, également disponible sur abonnement. Il y avait un autre morceau de la séquence qu'on a pu entendre, une autre formation qui se retrouve aussi sur ce Wire Taper, c'est le morceau qu'on a entendu juste à l'instant de la formation Pas Musique, donc en français dans le texte, même s'il s'agit, je crois, de New Yorkais, pour ce projet collaboratif mené par le bidouilleur Robert L. Piper, qui a démarré il y a une bonne vingtaine d'années. Alors c'est totalement inconnu au bataillon, cette formation Pas Musique, qui publie son deuxième album sous le titre Abandoned Bird Egg, mais c'est très réussi, un mélange rythme électronique, percussions orientales parfois, soundscapes, field recordings. Ils mélangent aussi souvent la vidéo et la performance chorégraphique, mais ils n'ont pas dû tellement bouger de leur quartier de Brooklyn. C'est 3-4 musiciens qui s'illustrent au sein de Pas Musique. En tout cas, le label britannique All Relon Music leur a rendu justice avec ce Abandoned Bird Egg. Et dans la séquence qu'on a entendue, il y avait aussi un titre pour le moins singulier au milieu. Il s'agissait du phaser Murphy, et ses drôles d'histoires qui figurent sur ce maxi EP Pain is on your side now, publié par le label américain Agoo Records et italien Boring Machine. Phaser Murphy, qui est un groupe de la botte, un groupe italien assez fascinant, qui mélange gospel et dark folk à base de religiosité hérétique ou de performance iconoclaste, avec des ambiances très inquiétantes, comme on a pu s'en rendre compte dans la séquence qui précédait, et habité par on ne sait quel être bizarre. Le trio Charlie, Révérend Freddie Murphy, ainsi que le vicaire Vittorio De Marin. On avait pu les découvrir lors du précédent album qui était sorti également chez Agoo, sur le titre Anyway Your Children Will Deny It. Voilà, donc on va continuer avec tout autre chose, et le projet des Norvégiens Frode Gerstadt, Barrett, saxophoniste de son état, et le batteur Pal Nissenlove, percussionniste-batteur ultra prolifique. Ils ont convié le saxophoniste de Philadelphie, Sabir Matin, pour une séquence d'improvisation en concert. C'était en Belgique, à Hasselt, en 2006. Et ça se retrouve sur un disque très justement appelé Hasselt, chez Not To Records, le label de Cracow en Pologne. Donc une bonne occasion pour écouter ces deux soufflants qu'on n'entend pas assez souvent sur des disques, notamment monsieur Sabir Matin, vétéran du jazz free depuis les années 70, notamment aux côtés d'Horace Tapscott, Sonny Morris, Cecil Taylor, William Parker, Alan Silva, Jimmy Mondock, Roy Campbell, etc. J'en passe et des pires. Et donc une séquence de pur free jazz dans la tradition du free, selon l'acronyme Frequency, Rhythm, Emotion, Energy. On écoute le Frod Gerstadt Pal Nissenlove Project et ce Hasselt. Thank you. Une séquence de jazz dans toute l'expressivité de cet art sur l'antenne du 94 MHz dans l'Asile le plus sûr. Séquence qui a démarré par le combo norvégio-américain et les trois Norvégiens, Frode Gerstad et Pål Nissenlove. Pål Nissenlove qu'on connaît comme batteur aux côtés de quantité de saxophonistes, notamment Mats Gustafsson au sein de The Thing. Il joue aussi régulièrement aux côtés de Peter Brotsman, Ken van der Mark. Donc là, on le retrouvait en compagnie de son compatriote Frode Gerstad, avec lequel ils ont assez souvent joué, notamment dans le grand orchestre de ce dernier, Circulation Total et Orchestra, et on les retrouvait aussi en compagnie d'un bassiste électrique que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu ce qui est le point faible de ce disque Assault publié par le label polonais Notu, le bassiste électrique Peter Friis Nielsen. J'aime pas tellement le jeu de basse qu'il a, cet animal, mais bon, le disque est quand même fort réussi, notamment parce qu'il accueille, ce groupe accueille aussi un Américain en son sein, en la personne de Sabir Matin, qu'on entend trop peu sur album, et ce disque est vraiment très très réussi. Ses improvisations en concert datées de 2006, qui étaient enchaînées avec l'un des tout nouveaux projets du batteur américain Mike Reed. Ça s'intitule Mike Reed's People, Places and Things, et l'album Second Cities Volume 1, publié par le label 482 Music. On y retrouve le percussionniste américain aux côtés de pas mal de ses compatriotes, notamment le saxophoniste Greg Ward, le saxophoniste ténor Tim Alderman, assez peu connu, et Jason Robke à la basse. Et ils sont en compagnie d'un certain nombre de vétérans du jazz et des musiques libres aux Pays-Bas, notamment les saxo-clarinettistes Abbars et Michael Moore. Alors le disque était une sorte de un argument, il s'agit d'une sorte de concept album après la trilogie que le batteur avait consacrée aux racines du jazz et du blues improvisé à Chicago. Il a transposé ce type de projet à Amsterdam avec un focus vers le jazz libre depuis les années 60 en Hollande, notamment on pense aux gens de l'ICP Orchestra, Micha Mengelberg, Anne Benink, et donc il a convié toute une ribambelle d'improvisateurs hollandais à rendre hommage au croisement entre musique libre improvisée européenne et jazz européen. Voilà, on va continuer avec une improvisation en duo entre deux soufflants. Il s'agit de l'américain saxo-clarinettiste, multi-saxophoniste d'ailleurs, Vinny Golia, qui est californien et qui s'est spécialisé dans l'impro libre depuis les années 70. Il a notamment beaucoup publié sur sa propre marque Nine Winds Records. Et on le retrouve en compagnie d'un saxophoniste un tantinet plus jeune. Il s'agit du Suisse Urs Lemgruber, qu'on a pu entendre notamment aux côtés du percussionniste Fritz Hauser ou encore de Joël Léandre, Michel Doneda ou Evan Parker. Tous deux, ils ont fait paraître sur le label américain Relative Pitch Records un disque fort réussi d'improvisation sur leur biniou sous le titre Empiricism in the West. Et je propose d'écouter une pièce assez représentative de ce très bel album de Vinny Golia et Urs Lemgruber, le titre Logical Truth are Linguistic Topologies. Oh, my God. Thank you. Deux séquences d'improvisation que séparaient pas moins de 45 ans de distance. Tout d'abord, le numéro de duettiste entre le saxo-clarinettiste californien Vinnie Golia et son camarade de jeu, le suisse Urs Lehmgruber, sur ce disque Empiricism in the West, publié par le label Relative Pitch Records, qui était enchaîné avec la bande originale du film de Jean Rollin, La Reine des Vampires, par Monsieur François Tusk. Donc ça date de l'époque de la sortie de la production de ce premier film du réalisateur spécialisé dans les vampires, qui mélangeait ambiance à la feuillade et un certain érotisme. Jean Rollin, La Reine des Vampires, qui était la deuxième partie du Viol des Vampires, son premier long métrage qui avait provoqué un très gros scandale. Le public avait apparemment arraché les sièges de la salle pour les jeter sur l'écran. Et la musique donc avait été composée par François Tusk, qui avait convié ses camarades du Free de l'époque dans l'Hexagone, à savoir les deux contrebassistes Jean-François Jenny Clark et Beb Guérin, qu'on retrouve aussi à peu près à la même époque d'ailleurs comme musicien improvisateur dans les films de Rivette, et également le saxo Barney Whelan pour la partie soufflante, et curieusement donc sa partie de piano qui a disparu pour plutôt des sons un peu tricotés, mélange contrebasse violon et le sax de Barney Whelan. Donc cette Reine des Vampires qui vient tout juste de ressurgir sur une galette vinylique du label Cacophonique, la subdivision du label Finder Keepers Records, pour laquelle je vous proposais déjà il y a de ça 15 jours les rééditions des pionniers électroniques Hank Baddings et autres Max Matthews. Donc une production très très importante pour le label anglais Cacophonique depuis un an et demi, avec des choses très surprenantes, donc comme cette bande originale qui n'est pas vraiment très funky mais qui est fort intéressante comme archive sonore. Voilà, je voulais vous rappeler un concert avant de rendre l'antenne cette semaine à Rennes, à l'avant-scène, la soirée Cafioul avec le Talia Zedek Band ainsi que Février et Shatterbox. C'est ce mercredi 19 mars pour 6€ et ça risque d'être très très fameux. Voilà, et je vous propose une dernière séquence pour conclure et rendre un hommage à l'un des pionniers des musiques minimalistes américaines qui vient de s'étendre. Il s'agit de Robert Ashley, décédé le 3 mars, juste après avoir achevé son dernier opéra sous le titre de Crash, qui donc quelqu'un qui s'est illustré à partir des années 60 en tant que pionnier des musiques électroniques au San Francisco Tape Music Centers et aussi au Mills College. Et il a produit une musique pour le moins surprenante la plupart du temps, avec des séquences de piano répétitives assez hypnotiques, et sa voix à raconter, sa voix de storyteller également très très très très incroyable. Je vous propose d'écouter un de ses disques les plus emblématiques et certainement l'un de ceux que je préfère. Il s'intitule Private Parts, il est sorti en 1977 sur le label Lovely. Beau voyage à Robert Ashley, je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. He took himself seriously. Motel rooms had lost their punch for him. He opened all his bags. There were two, and inside those two, there were two more. It's not an easy situation. But there was something like abandon in the air. There was something like the feeling of the idea of silk scarves in the air. There was a kind of madness to it, the kind we read about in magazines. One of the bags contained a bottle of liquor, a sure sign of thoughtfulness about who one might have been. He poured himself a small drink in a fluted plastic glass sans ice. He thought to himself, if I were from the big town, I would be calm and debonair. The big town doesn't send its riffraff out. He sat on the bed, both feet on the floor. He studied the ashtray and tried to rule out preference, preferring over not preferring. But he preferred gravity over what other state, preferring in that case earth, the earth as they say, preferring some state over non-state. Now he grips himself with determination, even knowing that it causes sadness. He is determined to be what? He is determined to be serious. He had determined once to be serious. Later he knew that he had made a mistake, but too late he had arrived and there were rooms and all rooms were not the same, some better than others, he thought. A better view, a better layout, better shower, softer bed, not so far from noise, more like home, etc., etc. Very abstract. He lifted the telephone from its cradle. His determination got stronger, if no clearer, even as he fainted in its force. Were it not for our momentum, the inertia of our actions, the constant inspiration of our habits, we could not continue. The will is almost nothing, he thought to himself. At the sound of the first ring, he hung up. He pushed down the button and listened to the silence of the object in his hand, and then he hung up. Very dramatic. The phone rang immediately. One, two, three, four, five, six, seven. He brings this cloud of conditions with him. He is at the center of a ball of hot stuff that we haven't put our minds to yet. and sitting on the bed in the motel room is no different. Somewhere in another room in range, somebody got it and phoned him. It happens all the time. Really. A kind of restlessness in that range. He sat and thought about obedience. He had resolved that of the two kinds, the kind that takes every message of order, rule, law, as error, that everybody who passes along these messages, that loathes the buildings, that contradicts the inner voice, that resists, in short, was his, and that the other kind, how could it be? He wasn't happy with the world. He worked with the forwardness and the backwardness. He worked with what things are ahead of us and with what things are behind us. I guess the other kind would be to work with things that are alongside, the attachments. Obedience was impossible for him. At the same time, he was cooperative and indeed solicitous. No one in the world would have mistaken him for a real person. Obedience, etc. The other kind works with the things that are of the alongside us, the attachments. At the same time, he was cooperative. The numbers on the telephone, the parts of the book, the notes of the scale, they are the same, are they not? They come from the sameness of the idea of the outsideness, not the alongside the outsideness, the differentness. It was a problem, being cooperative and at the same time refusing obedience and carrying the load of the idea of differentness. He wants. He handles himself in the morning. It's just like for every other man. The fantasy is the distance, the reluctance, the reticence, the otherness. The fantasy is the uncleanness. So getting up gets to be a problem for a sensitive person like him. The problem is to run that gauntlet again. Remove problem. Remove gauntlet. Remove run. Remove is to. Remove the. Remove that. Leave this. Make this whatever.